Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre second, troisième paragraphe, Marie sœur de Moïse. La première femme qui ait porté le doux et glorieux nom de Marie fut la sœur de Moïse. Cette Marie fut une figure de la très sainte Vierge Marie, dit Corneille de la Pierre. Cette Marie était un type de la bienheureuse Vierge Marie, in Exode 15. Mais comment? On peut dire qu'elle le fut de plusieurs manières, savoir, par sa virginité, par le sublime cantique qu'elle entonna, par le nom qui la distingue. Bornons-nous à méditer ce doux nom. Que signifie le nom de Marie? On lui attribue plusieurs significations, et toutes conviennent à la très sainte Vierge. Mais le sens véritable et littéral, selon Corneille de la Pierre, est celui de souveraine, ou souveraine de la mer. Que ce nom s'applique bien à Marie. À qui en effet l'auguste nom de souveraine peut-il mieux convenir qu'à cette puissante dame qui devait être mère du souverain de la terre et du ciel? Cela est si vrai, que le rabbin Ekedos, longtemps avant la venue de Jésus-Christ, enseignait que la mère du futur Messie s'appellerait souveraine, souveraine de la mer, ibidem, à plusieurs endroits. Mais quelle est cette mer? C'est le monde, c'est le temps de la vie présente, c'est ainsi que l'Esprit Saint a dit, votre chemin est dans la mer, et les sentiers où vous marchez sont au milieu des eaux. Psaume 76, 20. Nous voguons en pleine mer, et que cette mer est orageuse, qu'elle abonde en écueils, en récifs, en périls, en naufrages. Mais celui-là ne craint pas le naufrage, qui est protégé par Marie, elle commande, et elle est obéie. Matthieu 8, 27. Oui. Nous pouvons lui appliquer ce que la foule disait de Jésus-Christ. Les vents et la mer sont soumis à sa puissance. Il est bien juste que nous aussi, nous prêtions obéissance et soumission à notre souveraine. Ce doux nom de Marie signifie encore, selon saint Bernard, étoile de la mer, 2, Super Missus Est, numéro 17. Non. Poursuit-il, qui convient admirablement à Marie, car on peut très bien la comparer à un astre, de même qu'un astre nous transmet ses rayons et son éclat, sans éprouver aucune altération, ainsi Marie enfanta son divin fils sans rien perdre de sa virginité. Marie est donc cette noble étoile sortie de Jacob, dont l'éclat illumine l'univers, brille dans le ciel, et perce jusqu'au fond de l'abîme, éclairant la terre, elle réchauffe plutôt les esprits que les corps, fait croître les vertus, et mourir les vices. C'est cette étoile éclatante et magnifique, élevée au-dessus de ce vaste et immense océan, resplendissante de mérite et nous guidant par ses exemples. Ô homme, qui que vous soyez, qui ressemblait bien mieux à un navigateur ballotté par les flots et les tempêtes sur une mer orageuse, qu'à un voyageur sur la terre. Ne détournez pas les yeux de cet astre si vous voulez éviter le naufrage. Si le vent des tentations se lève, si vous êtes poussé contre les écueils des tribulations, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si les flots de l'orgueil vous soulèvent, si l'ambition vous tourmente, si l'envie, si la calomnie vous poursuive, regardez l'étoile, invoquez Marie. Si la colère, si l'avarice, si la volupté assaillent votre nacelle, regardez Marie. Si, troublé au souvenir de vos fautes passées, confus à la vue de vos misères et de votre indignité, épouvanté par la pensée du jugement, vous commencez à vous sentir absorbé par le gouffre de la tristesse et du désespoir, pensez à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, Dans les perplexités, pensez à Marie, invoquez Marie, que son saint nom soit toujours sur vos lèvres, qu'il soit toujours dans votre cœur, et afin de vous assurer sa protection, ne vous lassez point d'imiter ses exemples. En suivant Marie, vous ne vous égarez point, en la priant, vous êtes à l'abri du désespoir, en pensant à elle, vous échappez au piège de l'erreur. Si Marie vous soutient, vous ne tomberez pas, si elle vous protège, vous êtes sans crainte, si elle vous guide, vous n'éprouvez pas les fatigues du voyage, si elle vous est favorable, vous arriverez heureusement au port du salut. Ainsi vous apprenez par votre propre expérience avec combien de raisons il a été dit, et le nom de cette Vierge est Marie. Luc 1, 27. Ce qui vient d'être dit nous fait assez voir combien il importe d'avoir toujours les yeux tournés vers Marie, notre souveraine et l'étoile de la mer. Avec quelle sûreté ne vogue-t-on pas sous la conduite de cet astre propice? Et que ne peut-on pas espérer d'ailleurs d'une souveraine aussi puissante? Oui, ô Marie, étoile resplendissante et matinale, Apocalypse 22, 16, notre auguste reine, exposée sur la mer orageuse de ce monde, nous serons sans cesse tournés vers vous, nos yeux demeureront fixés sur vous comme les yeux de la servante sur les mains de sa maîtresse. Psaume 122, 2. Vous voyez le nombre et la grandeur des périls qui nous menacent, soyez-nous propices, conduisez-nous dans la voie que vous savez mieux que nous nous être convenable, dirigez-nous dans cette voie qui conduit au port de l'éternelle félicité, où, avec votre divin Fils, vous régnez et vous régnerez dans tous les siècles des siècles. Amen. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.